Arrêtez de jouer au sauveur en faisant des observations honnêtes. Enregistrement produit lors du mois de septembre de l'année 2025. En fait, au fil du temps, j'ai réalisé que dans ma vie, j'ai voulu aider des personnes de mon environnement, que ce soit des gens immédiats, des amis, membres de la famille, ou également des gens sur le web, là, un sens plus large, en faisant des vidéos, et que à quelque part, avec le recul, je suis obligé d'admettre que oui, j'avais un désir spirituel d'aider les autres, voire à un certain niveau jouer au sauveur, sauf qu'en faisant des observations honnêtes par rapport à des gens de mon environnement, ou aussi par rapport à des gens sur le web, par rapport à leurs commentaires, voire même leur manque d'intérêt par rapport à certaines vidéos que je fais, je réalise que, bon, je véhicule des choses, certaines choses que je trouve intéressantes ou qui me passionnent, mais que ça les intéresse pas, puis à quelque part, c'est correct. Chacun vit ses choses. Et c'est sûr que, bon, il y a plusieurs années, je visais à véhiculer l'instruction supramentale, j'avais écouté entre autres des vidéos de Bernard de Montréal, je trouvais ça très intéressant. Les principes qu'il a apportés, je faisais une intégration intensive dans ma vie, j'ai fait des entrevues avec Marc Delassalle, Daniel Ménard, donc différents invités que j'ai eus qui ont gravité dans le domaine du supramental, que je voulais faire connaître, que je trouvais ça donc intéressant, etc. Donc j'avais un désir à quelque part à travers ça de véhiculer quelque chose, de participer à un mouvement. Et avec le temps, ben, ce désir-là s'est essoufflé. J'avais l'impression que ça pouvait changer la vie des gens pour le mieux, de les aider. Donc, il y avait comme un désir spirituel derrière mon mouvement à un certain niveau. Puis, de réaliser que finalement, ben, ça intéresse peu ou pas de gens, l'instruction supramentale. Je me suis intéressé à d'autres choses, comme par exemple, j'ai fait des recherches sur le web, puis il y a beaucoup d'informations sur les choses qui peuvent favoriser notre santé, en termes d'activité physique, d'alimentation aussi, par exemple la pratique du jeûne intermittent, etc. Beaucoup de choses que je trouve qui m'ont aidé à améliorer ma santé sur le plan personnel. Donc, dans un esprit de partage, je cherche à véhiculer ça. Comme récemment, j'ai mis en ligne une vidéo en lien avec des activités physiques, mais ça intéresse pas tellement les gens, puis c'est correct aussi. Puis aussi comment améliorer ses finances. Donc l'aspect de s'enrichir, notamment j'étudie beaucoup les crypto-monnaies là, dans cette optique-là. Je vois que sur ma chaîne YouTube, ça intéresse pas tellement les gens. Mais c'est correct aussi. Et c'est bon, très bon au niveau de mon ego, ce que je vis présentement. Ce que ça m'amène à réaliser, c'est que le désir de vouloir, guillemets, sauver les gens en leur apportant ou véhiculant une instruction supramentale qui peut changer leur vie ou des informations qui peuvent favoriser soit la santé physique, mentale ou même la santé financière, dans le fond, c'est pas nécessairement apprécié présentement. Puis même par rapport à des gens de mon environnement, que ce soit des amis ou des membres de ma famille, puis c'est correct aussi. Donc, puis ça m'amène à avoir un esprit un peu plus proche présentement du jovialisme développé par André Moreau. André Moreau, ce philosophe québécois, avait déjà dit en conférence, « Quoi que vous en fassiez, vous en repentirez. » Puis lui, dans le fond, dans la vie, il jouit de la vie, puis il cherche pas à servir aux autres ou à être utile ou à être un sauveur à quelque part. De sa démarche, de ce que je comprends, c'est plus, dans le fond, jouir de la vie, avoir du plaisir, puis de s'amuser. Puis à quelque part, que le temps, je réalise l'intelligence de son approche, puis que dans les faits, je peux rencontrer des gens personnellement qui se plaignent que bon, ça va pas bien sur le plan financier dans leur vie. Pis là, je peux parler qu'ils peuvent économiser davantage, faire des placements pour augmenter leur richesse. Ça peut être des avenues explorées, mais ça n'intéressera pas nécessairement. Puis si je suis plus intéressé qu'eux, c'est pas nécessairement sain. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, se met à investir en crypto, puis ça vient pas de la personne, puis là, la personne a avoué la valeur de ses crypto-monnaies descendre beaucoup, elle peut, dans le fond, être contrariée d'avoir investi là-dedans parce qu'elle n'est pas capable de contenir le risque, puis ça va lui donner de la souffrance. Tu sais, quelqu'un qui a un portefeuille, ça fait du moins 40% de rendement, la personne n'est pas habituée à ça. Alors que la même personne, si elle investit dans le SP500, Nasdaq 100, puis elle va faire avec le, je sais pas moi, le SP500 un rendement à peu près constant, là, au moyen de 10% par année, puis elle est plus confortable, c'est correct. Sauf que si la personne veut être riche, ben, elle a peut-être intérêt à surperformer le SP500, mais en même temps, il faut qu'elle soit capable de compter et d'assumer le risque. Une crypto-monnaie, prenons par exemple Ethereum, qui peut faire du moins 40, elle peut faire du plus 40 aussi. Les choses peuvent changer très vite parce que récemment, à l'espace d'à peu près 2 mois, Ethereum a monté à peu près de 66% de valeur. Là. Donc, c'est des mouvements qui peuvent être très rapides avec des montées paraboliques là, en pente montante là, comme un piquant, là, comment on appelle ça, le pointu d'une antenne. Là, ça monte vers le ciel, là. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à contenir ça, cette volatilité très forte, cette instabilité, puis c'est correct. C'est quoi que j'ai à dire? Ben oui, c'est que présentement, ce mois de septembre 2025, je prends la vie d'une manière plus relaxe. Dans le passé, j'ai été naïf parce que j'ai cru pendant une bonne partie de ma vie qu'il y a des gens qui souffraient psychologiquement parce qu'il n'y avait pas accès à l'instruction supramentale plus équilibrée, à une philosophie comme le jovialisme, ne serait-ce que pour les amener à être plus heureux, et que des gens souffraient sur le plan physique parce qu'il n'y avait pas accès à les informations pour être en meilleure santé physique ou financière parce qu'ils ne savaient pas comment gérer leurs finances ou faire la distinction entre c'est quoi un compte CELI et un compte REER, mais qu'à quelque part, l'accès à beaucoup d'informations, c'est pas nécessairement la solution. Puis t'as des gens qui sont dans le pétrin parce qu'ils ont une psychologie de merde, ils ont une santé de merde, puis ils ont une finance de merde, puis ils veulent pas nécessairement s'en sortir, puis ça leur appartient. Mon regard avec le temps est très différent. Il y a sans doute des gens très spirituels qui aimeront peut-être pas ma perspective, mais je pensais récemment à un YouTuber qui avait critiqué les gens qui chargent pour des consultations dans le domaine de la conscience et ces choses-là. Et j'ai même fait un commentaire parce que j'ai dit « Bon, t'as critiqué des gens qui font de la consultation, puis là tu parles d'offrir par exemple à des gens une consultation gratuite. » Pas une consultation, c'est un échange. Je vais être rigoureux dans le propos, gratuit avec une personne, puis ensuite les autres sont payants pour faire une espèce d'introspection, d'exploration à travers la parole. Fait que là, je dis, ouais, mais c'est parce que, à quelque part, ça va à l'encontre du principe de la gratuité. Puis là, il m'expliquait qu'il y avait des nuances à faire, puis là, il dénonçait des gens qui faisaient comme miroiter des guérisons ou de fusionner avec l'esprit, chose qu'il ne faisait pas, OK. Mais il n'en demeure pour moi qu'il veut charger sur le plan financier des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement spirituel de la gratuité a ses limites. Puis le mouvement aussi de vouloir sauver les autres à quelque part en donnant tout accès gratuitement, il y a des illusions. C'est comme le gouvernement qui donne accès à la population à des ressources gratuites. Puis dans certains cas, c'est pas apprécié. Tu as des gens dans le domaine de la santé qui sont confrontés à des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. D'ailleurs, ça me faisait penser à mon médecin de famille qui avait mis une affiche, ben, peut-être pas lui, mais sa secrétaire, comme de quoi que bon, si quelqu'un s'absente au rendez-vous et n'avertit pas à l'avance, un frais va lui être chargé. Puis moi, je trouve ça, dans le fond, très correct de sa part d'exiger ça parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Il y a des gens qui manquent d'accès à des médecins et tu as des gens pendant ce temps-là qui vont prendre des rendez-vous ou ne se présentent pas. Puis il y a des gens qui prennent pour acquis quand c'est gratuit. Il y a des limites à tout. Tu sais, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils se fassent respecter, à mon avis. Puis il y a des limites à la spiritualité aussi. Puis c'est très bien ce que j'ai vécu par rapport au fait que, à quelque part, en lien avec des contenus que je vise à donner de l'information qui m'a aidé, que je pense que ça peut être utile avec pour des gens aussi, que c'est pas nécessairement apprécié parce que, ou que ça intéresse peu ou pas les gens sur YouTube, parce que ça me fait voir que, à quelque part, c'est correct, chaque être humain a ses besoins, puis dans certains cas, peut-être de vivre dans des situations problématiques ou de s'enliser dans un merdier économique, ça va permettre éventuellement à des gens de changer leur vie quand ils seront prêts. Puis des fois, ça prend un certain niveau de souffrance. Moi, pour ma part, dans ma vie, j'ai décidé d'être heureux, d'être bien dans ma peau, en santé, que ce soit autant mental, physique. Je bénis ma santé physique. J'aime ça faire des bains de soleil, comme aujourd'hui, même en ce début de septembre. Il y a encore des belles journées. Là. J'ai été me faire bronzer tantôt au soleil. J'écoute des enregistrements souvent d'André Moreau parce que le sens de l'humour. Et puis, je me tiens informé sur plusieurs sujets, comme j'étudie le cycle de la crypto-monnaie. Puis, en fait, la démarche de mes derniers mois en lien avec mes vidéos, je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont plus apprécié comme intervieweur, notamment de Marc Delassalle, de Bertol, de Mona. Plutôt que de faire des vidéos en quantité industrielle là, sur l'investissement, puis en particulier dans le domaine de la crypto, là, ce qui est un secteur très pointu par rapport aux actifs financiers. Je sais très bien que ça n'intéressera pas la masse, mais c'est correct. Mais l'idée, c'est que j'ai décidé d'œuvrer pour mon autonomie financière et trouver les moyens qui me permettent d'y arriver. Mais mon regard a changé avec le temps. Souvent, quand on est spirituel, on va voir, par exemple, des itinérants sur la rue. Prenons, par exemple, une personne qui va faire un petit voyage à Montréal, où il y en a plein, à comparer des régions. Quoique au Québec, avec la pénurie de logements, puis le fait que le coût des maisons est de moins en moins abordable, tantôt, on va se ramasser avec des itinérants un peu partout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais quand on est spirituel, on peut dire, bon, les itinérants, s'il y aurait une chance de s'en sortir en ayant accès à de l'information, en accès à des ressources, ils pourraient changer leur vie, c'est vrai, mais pour une certaine portion d'entre eux, c'est pas nécessairement 100% d'entre eux. Puis je réalise tout le temps que ce soit dans le domaine de l'alimentation, mieux s'alimenter, mieux gérer ses finances, ou mieux gérer sa psyché sur le plan occulte, il y a toujours un fort pourcentage des gens qui vont dire « Ah, j'aimerais ça changer ma vie », mais quand vient le temps d'agir, ils n'agissent pas. Des fois, c'est des gestes très simples. Là. Ça peut être de faire l'effort de transférer de l'argent d'un compte à un autre pour s'ouvrir dans le fond à une plateforme de courtage en ligne que la personne va pouvoir, en se créant un compte, utiliser pour faire des transactions. Tu sais, comment dire? Mais c'est les vraies personnes qui veulent changer une situation, c'est soit qu'ils en souffrent ou qu'ils sont mis en vibration pour ça, puis tu n'as pas besoin de les prendre à la remorque. Donc, c'est comme j'ai une personne dans mon environnement, elle s'est ouvert un compte de courtage en ligne. Par la suite, je l'ai accompagné pour qu'elle prenne HHIS, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat qui se rapporte à 15 grandes entreprises. Comme par exemple Tesla, Nvidia, donc des grands noms, entre autres, de la technologie. Puis là, un mois après, ben là, j'ai dit, ben une fois que tu as pris des actions par rapport à HHIS, tu vas avoir ton revenu de dividende. Puis là, j'ai quasiment hâte pour elle. Puis là, j'ai dit, regarde, là, la fin du mois est passée, ton revenu doit être rentré, là. Là, je m'informais, ça a été voir son revenu, non. Là, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être moi qui étais plus intéressé qu'elle par rapport à ça. Là, j'ai expliqué, ben là, si tu prends des placements par dividende, il faut que si tu n'utilises pas tout de suite l'argent, il faut que tu le replaces pour que l'argent continue de travailler. Mais finalement, j'ai dû regarder les choses avec le recul, puis en disant, ben l'histoire des placements de dividendes, ça m'intéressait plus que par rapport à elle. Puis là, j'ai dit à ce moment-là, si tu veux pas réinvestir puis être prêt à réinvestir à chaque mois parce que toi, tu vois ça comme une corvée, alors que pour moi, c'est comme une passion, ben, t'es peut-être mieux prendre des fonds de type croissance. Surtout que les frais de gestion vont être moindres parce que donner des revenus de dividendes, ben, faire l'action puis gérer ça pour l'entreprise, ça demande du temps, ça demande des ressources, ainsi de suite. Chaque personne a des besoins uniques. Puis en même temps, ben, cette personne-là, en l'observant, ben, je me suis dit chaque chose en son temps. Moi-même, en 2014, j'avais parlé avec quelqu'un qui investissait par rapport au fonds négocié. Au fond, ben, c'est un fonds, c'est pas un fonds, c'est des actions de Berkshire Hathaway, qui est l'entreprise de Warren Buffett, qui est multimilliardaire, et qui ont donné un rendement historique d'environ, c'est 19 points quelques, là, si on arrondit 20% de rendement par année, là, pendant au-dessus de 30 ans. C'est un fonds qui comporte plusieurs actions de grandes compagnies. Une très grande stabilité dans la gestion active de son portefeuille, très belle performance, d'une manière continue, en surperformant les indices boursiers au fil des ans. Donc, Warren Buffett, quand on m'a parlé de ça, je trouvais ça intéressant, mais je n'avais pas passé à l'action en 2014. Là, j'ai eu mon problème de un problème de santé en 2023 où j'ai eu affaire à faire au privé, puis là, j'ai passé à l'action. Fait que chaque chose en son temps, puis si tu veux sauver quelqu'un ou l'aider avant son temps, ça sert pas à grand-chose. Puis c'est la même chose par rapport à un peuple. Tu sais, des aberrations. Des fois, je me demande pourquoi que les gens contestent pas plus le gouvernement ici au Québec. Mais j'ai l'impression que les gens ne souffrent pas encore assez de la situation. Comme pour moi, en tant que citoyen au Québec, vivant au Québec, le fait qu'on paye une taxe carbone alors que les autres provinces n'en payent pas, à chaque fois qu'on met de l'essence pour que ça nous coûte plus cher, je trouve que c'est une aberration. Puis tous les impôts puis les taxes sont pas nécessairement justifiés. Puis après ça, on en prend que ben le gouvernement prend une partie de l'argent puis investit ça dans des projets qui sont foireux, que ça tourne mal, comme par exemple le projet Northvolt, ensuite Ion électrique pour les autos électriques, en fait les autobus électriques, Ion électrique, Northvolt, c'est une entreprise qui est censée faire des batteries d'auto électriques, entre autres. Non, non, il y a plein de projets qui ont été faits ici qui tournent mal, où la gestion au Québec, on a le scandale présentement de Saclic, où il y a eu un dépassement de coûts d'à peu près 500 millions de dollars. Un dépassement quand même très important, plus une commission d'enquête, là. Mais il n'y a pas vraiment de volonté de changement. Et c'est souvent à travers la souffrance individuelle ou mise à vibration qu'il y a du changement. Et j'ai réalisé que quand même qu'on donnerait le maximum d'informations aux gens, d'autant plus que là aujourd'hui, on a accès à de l'information très poussée, très spécialisée, ben, je suis heureux d'en bénéficier sur le web, là, dans le domaine de la santé, que ce soit des exercices physiques, récemment j'avais partagé une vidéo liée à ça, ou l'investissement en crypto-monnaie, puis il y a des résultats, tu sais. C'est sûr que, comment dire, on a accès à une multitude d'informations. Comme j'expliquais, dans le fond, il y a quelques jours à ma mère, j'ai dit quelqu'un peut investir, par exemple, dans un fonds négocié en bourse avec option d'achat comme Tesla, TSLY-C, puis avoir des revenus de dividendes de 3 à 5 % par mois. C'est sûr, ça comporte un risque, mais le risque est quand même calculé, là. J'ai l'impression que c'est peu probable que l'entreprise Tesla, qui vaut plusieurs milliards de dollars, fasse faillite du jour au lendemain. Bon, mais ça donne de 3 à 5 % de rendement par mois dans les derniers mois que j'ai eu. Ça semble continuer. Alors que quelqu'un peut mettre de l'argent dans un CPG, certificat de pauvreté garanti, avec du 3 à 5 % par année. Je pense qu'il y a quand même une grande différence entre les deux produits financiers en termes de rendement. Il y en a un qui fait ça dans un mois, puis tu as 12 mois pendant une année, tandis que l'autre fait le même rendement sur un an. Il y en a un qui est garanti, il donne pas grand-chose, l'autre n'est pas garanti, mais c'est un risque calculé, là. C'est sûr que Tesla, à mon avis, fera pas sont pas nécessairement dans le pétrin demain matin, mais bref, on vit chacun nos expériences. J'ai informé les gens de la situation, mais les gens de mon environnement, ça les intéresse pas autant que moi. En fait, j'ai réalisé que dans mon environnement actuel, je suis comme la seule personne à être aussi présentement passionnée par le domaine de la finance ou l'investissement en crypto-monnaie. Mais c'est correct aussi, j'assume ma singularité. À un moment donné, c'était l'instruction supramentale. Là, j'ai vu un petit peu les limites liées à ça aussi. Là, je parlais de Tesla, mais c'est pas en passant un conseil en investissement. Moi, j'ai investi là-dedans parce que je suis prêt à assumer le risque. Chacun doit se respecter là-dedans. Puis je dis pas aux gens quoi faire. Je ne suis pas conseiller financier, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais sur une vidéo à l'autre aussi, je dois admettre qu'il y a quand même des sujets que j'aborde que des répétitions. Mais aujourd'hui, ce que je vais mettre l'emphase, puis je vais essayer d'être clair puis synthétique, c'est qu'à travers l'expérience de constater qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le pétrin, qui se plaignent d'être dans le pétrin, mais en réalité, ils ne veulent pas sortir du pétrin parce que ça leur donne des bénéfices secondaires ou ils n'ont pas la volonté de se mettre en action. Puis à ce moment-là, ça change le regard par rapport à eux. Puis, dans le fond, je réalise que quand même qu'on leur donnerait le maximum d'informations, s'ils ne veulent pas changer, ils ne changeront pas. Fait que continuons de s'enrichir, puis laissons les autres vaquer à leur occupation, non pas par mépris, mais par tout simplement constat sur base d'observations concrètes qu'il n'y a rien à faire. Tu sais, une bonne partie de l'humanité s'en va droit dans un mur, à mon avis, dans les prochaines années. On peut dire que, à quelque part, le mur approche. Ben, il y a plusieurs murs. Il y en a un, c'est très simple, c'est l'apparition massive de l'intelligence artificielle. Ça ne sera pas une vague qui va déferler sur l'humanité, mais littéralement un tsunami où plein de monde vont sans doute perdre leur travail d'ici 5 à 10 ans. À ce moment-là, pour se préparer à cette transition sociale, l'un des moyens, ben, c'est pour être un précurseur à l'avant-garde de vers où on s'en va en termes de développement technologique, ben, c'est de s'habituer à penser, à générer par soi-même des revenus autonomes liés à des placements, donc de parvenir à l'autonomie financière pour faire face à une situation où le marché du travail risque de décliner en termes d'offres d'emploi pour les chercheurs d'emploi. C'est quelque chose de pertinent, à mon avis, à considérer. Donc, avoir une certaine forme de conscience visionnaire par rapport aux grands mouvements. Les mouvements sont clairement annoncés dans les médias. C'est très médiatisé. Qu'est-ce qui se passe présentement avec ChatGPT-5 qui vient d'apparaître, l'entreprise NVIDIA, où j'écoutais récemment une entrevue sur les ondes de Radio-Canada de Yoshua Benjo, qui parlait de l'impact sur le marché du travail, mais les problèmes aussi que peuvent engendrer le développement des intelligences artificielles. Donc, il y a des choses qui sont là, ça se prépare. Puis, le domaine de la crypto, ben, tu sais, il y a des gens de la famille de Trump qui sont dans le domaine de la crypto. Donc, c'est sûr que, à mon avis, Trump a tout intérêt à ce que ça lève. Puis, on se dirige de plus en plus avec des crypto-monnaies, ce qui fait qu'il va une valorisation, que ce soit le Bitcoin ou certains altcoins. Donc, ça va être un dossier à suivre. Des fois, je fais des vidéos pour en parler. Puis aujourd'hui, je vois plus ça comme une forme d'intégration personnelle. C'est-à-dire que je parle pour m'ajuster à travers la parole dans mon rapport à certaines choses, puis d'intégrer plus en détail ce que j'ai étudié dans le domaine, entre autres, de la santé, de l'investissement. Puis mon regard avec les ans est de plus en plus pragmatique plutôt qu'idéaliste. Ce qui détruit l'idéalisme, c'est à mon avis de se heurter au fait que beaucoup de gens ne sont pas idéalistes, puis sont dans le pétrin, puis ils veulent pas nécessairement s'en sortir. Il y a quelques années, je me laissais attendrir par des vidéos où j'écoutais une vidéo qui disait que les vraies victimes de la mode, c'est pas des gens qui portent des vêtements passés date, mais c'est plutôt des gens qui vont travailler au Bangladesh. Dans des entreprises qui vont s'écrouler à cause de problèmes de fondation, puis vont soit être blessés ou mourir dans les décombres. Mais peut-être que dans les faits, ces gens-là, si on leur donnerait la chance comment dire, à devenir des investisseurs, développer des habiletés d'épargne, puis de devenir riche à travers la crypto-monnaie ou l'investissement boursier, il n'apprendrait pas. Donc, c'est pas parce qu'il existe des opportunités de sortir de certains pétrins que les gens en veulent. Puis tu as des gens masochistes qui aiment souffrir aussi, ou qui sont attachés à certaines choses ou comportements dysfonctionnels. À un moment donné, je faisais mon jogging sur la rue, puis un monsieur qui est tout le temps souriant, il me regarde, puis quand il va prendre sa cigarette, puis il va fumer dehors, ben là, il me salue, puis à un moment donné, j'ai dit, vous aimeriez pas faire du jogging, vous aussi? Ben, ça fait plusieurs fois qu'il me regarde avec le sourire, il dit non, non, il aimait mieux fumer la cigarette, mais ça la regarde, tu sais, chacun vit ses choses. Quelqu'un peut être dans le jugement. Parce qu'il y a eu au Québec des grosses campagnes publicitaires pour s'opposer au tabac, etc. Mais chacun vit ses choses. Puis j'ai à apprendre à respecter ça. Même si c'est démontré scientifiquement depuis plusieurs années que le tabac peut entraîner le cancer, il y a toujours des gens qui fument, mais ça leur appartient. C'est pas de mes affaires. Puis la cigarette peut avoir une certaine fonction dans leur vie pour les détendre, réguler. Par la suite de certaines tensions. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ma vie dans les dernières semaines, c'est comme allégée. Je fais ce que j'aime sur le web. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens. Une de mes surprises, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru dans ma naïveté que si je parle de choses qui favorisent la santé, qui sont concrets, pratiques, ou le domaine financier, ça allait intéresser plus les gens. Que de parler des sujets abstraits comme la conscience supramentale ou de l'éveil spirituel, puis ces choses-là, mais c'est pas le cas. C'est correct. À un moment donné, je m'étais dit que probablement que si ça touche à des besoins plus concrets, plus immédiats des gens, parce que si on prend la pyramide de Maslow, tu sais, le besoin de réalisation personnelle, c'est au sommet. Mais avant de penser à te réaliser personnellement, dans un premier temps, il faut que tu sois capable de répondre à ton besoin de t'alimenter adéquatement, de te loger, besoin de sécurité, puis ça passe souvent à travers la finance, la sécurité, avoir une marge financière en cas d'imprévu, ainsi de suite. Mais non, ça intéresse pas. C'est peut-être, je vous dirais, un petit peu mes vidéos dans leur formule aussi, parce que des formules assez austères, là, mes vidéos, on s'entend, là, quand que je présente du visuel, je présente d'autres vidéos, je fais pas des montages dynamiques là, avec 36 000 couleurs. Parce qu'aujourd'hui, ouais, je parlais de ça à un moment donné à quelqu'un, je trouvais ça intéressant. C'est que les publicitaires ont multiplié les stratégies au fil des décennies pour avoir l'attention des téléspectateurs. Il y a eu dans un premier temps des publicités où le son était pas pareil, l'image était pas pareille, puis là t'es rendu avec des effets lumineux qui sont mis dans les vidéos d'une manière intentionnelle, puis aussi dans certaines émissions là, de flash lumineux là, d'une manière intentionnelle. Là, tu sais, si tu regardes des épisodes de Star Wars, chose que j'avais faite il y a quelques années là, sur la chaîne de Disney. C'est indiqué que ça comportait des flashs lumineux comme mise en garde et que les gens atteints d'épilepsie, c'était déconseillé à cause de ça, là, qu'ils regardent ça. Mais là, tu es rendu avec une multiplication des stratégies parce que tu as des plans rapides pour capter l'attention visuelle. Ensuite, tu as des fois le son qui est plus fort dans des publicités. Là, tu es rendu avec les flashs lumineux. C'est une multiplication des stratégies pour avoir l'attention, puis je joue vraiment pas ça. À travers mes vidéos sur YouTube, puis ça m'intéresse pas. Tout ça pour dire que ça passe par l'expérience. Puis quand je regarde par exemple des conflits, prenons par exemple la Palestine puis Israël, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne volonté des gens, il n'y a pas de volonté sincère de régler le problème, puis que présentement il y a trop de personnes qui font de l'argent avec ça. C'est trop bon en termes de capital politique que le conflit continue, voire que ça se désagrège pour certaines personnes. Donc, c'est tout le temps de voir aussi que quand on est spirituel puis naïf, on se dit, ben, les gens devraient être solidaires, devraient s'entraider sur des paramètres humains, mais c'est de regarder que finalement, ben, tu as des gens qui ont plus d'argent, qu'il y a des conflits d'une manière permanente parce que ça leur permet de vendre d'une manière permanente des armes. Donc, si des entreprises vendent des roquettes à un camp, puis ensuite des missiles pour les intercepter, puis si le coût des missiles d'interception vaut nettement plus cher que le coût de la roquette, ben à ce moment-là, la compagnie a quasiment intérêt d'être une espèce de pyromane pompier, c'est-à-dire de fournir des roquettes gratuitement à un des pays belligérants. Donc, si la roquette, par exemple, ça coûte 2 000 $ la produire, mais qu'en vendant ou en donnant même une roquette à un pays qui va l'envoyer sur l'autre, l'autre utilise un missile d'interception qui vaut 2 millions de dollars, on s'entend que de dépenser 2 000 $ pour avoir un montant de 2 000 $ par la suite, c'est une affaire intéressante. Strictement sur le plan financier, c'est sûr que sur le plan humain, parce que des gens qui peuvent mourir d'être bombardés par des roquettes, des maisons détruites, etc., c'est dégueulasse. Mais strictement sur le plan financier, tu regardes ça avec un œil d'investisseur, tu dis « OK, ben ça peut représenter un investissement ». Donc, y a des choses qui nous apparaissent sur le plan humain quand on regarde ça avec le regard du sauveur ou de la personne spirituelle qui n'ont pas d'allure, mais quand tu le regardes d'une perspective froide, strictement sur le plan financier, coût-bénéfice, opportunité d'achat, opportunité de développer des marchés, tu te rends compte que ben, finalement, qu'il y a une guerre perpétuelle entre deux peuples qui s'envoient des roquettes ou des missiles, c'est une occasion pour se faire de l'argent. Fait que moi, je regarde tout avec un recul critique. Puis les gens qui veulent vivre dans la paix sur Terre sont très peu nombreux. Les gens qui veulent bien dans leur peau, très peu nombreux. Puis c'est sûr qu'en étudiant, entre autres, la philosophie jovialiste d'André Moreau, à un moment donné, un de ses enregistrements, il disait qu'une personne lui avait dit « Tu m'écœures avec ton bonheur. » Ben oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça, avoir des gens trop heureux ou trop bien dans leur peau. Il y a des gens qui sont tellement programmés à se sentir coupables puis à s'auto-culpabiliser qu'ils sont allergiques au bonheur. Puis il y a des gens qui aiment ça s'auto-flageller au sens littéral ou psychologique. T'sais, chacun vit ses choses. Là. J'ai l'impression qu'il y a une partie du peuple québécois qui vont se sentir coupable d'utiliser une auto parce qu'ils se font dire que c'est polluant. Puis là, que là, pour autrefois dans la religion, c'était les indulgences. Il fallait que les gens se sentaient coupables, par exemple, d'avoir des désirs sexuels, alors que la sexualité fait partie de la nature du corps biologique. Fait que là, il fallait qu'ils payent des indulgences à l'Église. Fait qu'ils monétisaient la culpabilité en faisant du rendement avec ça. Donc, c'est une opportunité d'affaires. Aujourd'hui, on fait sentir les gens coupables de polluer. On met des taxes sur des taxes sur des taxes sur l'essence. Donc, il y a plusieurs niveaux de taxes. Tu as des taxes qui sont chargées sur d'autres taxes qui existent. Ben oui, tu as la TPS, tu as la TVQ, tu as la taxe du carburant. Puis, pour ce qui est des grands centres, comme par exemple Montréal, tu as une taxe sur le transport en commun. Qui est chargé sur la valeur du litre d'essence, ce qui fait que dans la région de Montréal, ça coûte plus cher l'essence que d'autres endroits au Québec. Mais comme les gens se sentent coupables d'utiliser l'auto parce qu'on leur a dit que c'est pas bon, ben ils vont accepter ça. Mais c'est ainsi. Je veux dire, à une autre époque, les Québécois acceptaient de donner une bonne partie de leurs revenus. Dans le domaine de la religion chrétienne, il y avait autrefois la dîme. Donc, de donner 10 % de son salaire à l'Église, donc quelqu'un qui gagne, par exemple, la personne gagne, disons, 50 000 $ par année, 10 % ça représente 5 000 $ quand même, là. Tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est quand même un montant d'argent, de ma perspective, que je trouve important, mais c'était comme ça. Puis là, aujourd'hui, ben les gens se font taxer puis dépouiller, mais... Ça fait partie de la mentalité puis de la culture. Puis là, les gens croient qu'en payant ces taxes-là, ils vont sauver l'environnement dans certains cas. Moi, je suis pas naïf de rien. Avec le temps, puis en m'intéressant à l'investissement, mes constats par rapport à l'humanité sont très sombres en passant. C'est pour ça que je les partage pas nécessairement souvent. J'ai l'impression que ça va mal finir pour une grande partie de l'humanité qui sont pris dans des boucles infernales ou qui peuvent pas vraiment s'en sortir parce qu'ils souffrent pas assez ou sont pas mis en vibration pour s'en sortir. Puis que c'est ça. Mais si la personne peut améliorer son sort puis elle le fait par elle-même puis elle est mieux dans sa peau, tant mieux pour elle. Mais c'est très rare les gens qui arrivent à faire quelque chose. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ouais, peu importe le domaine, ça, c'est mes observations personnelles. Des fois, j'espère avoir tort, mais c'est ce que j'observe, c'est que quelqu'un peut, dans le fond, dire, ben, ah, ça serait intéressant, par exemple, d'investir davantage, avoir l'idée. Donc, l'aspect contemplation d'un changement, tu as peut-être, je sais pas moi, 80% de personnes qui vont dire, ouais, devenir plus riche, ça m'intéresse. Là, de passer à l'action, oups, ça diminue. Tu sais, s'il faut que tu ouvres un compte, c'est un effort. Fait que sur le 80%, tu tombes peut-être à... Puis là, il faut que tu fasses le suivi si le compte s'ouvre puis si le transfert d'argent se fait comme il faut. Fait que tu tombes sur moins de 1%. Puis, ouais, par rapport à un changement donné, il y a tout le temps un faible pourcentage des gens qui vont réellement passer à l'action. Les autres, c'est des curieux, des ouéreux en bon québécois. Mais c'est comme ça dans tout, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, l'entraînement physique, l'investissement. Sinon, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, ouais, j'ai moins le goût avec le temps. Je suis de plus en plus saturé. J'ai pas le goût de sauver les gens. J'ai le goût de faire ma petite affaire dans ma vie tranquille. Là, ouais. Ben, comme beaucoup d'êtres humains, je cherche à avoir un certain confort personnel. Puis de toute façon, de faire des sacrifices pour les autres, c'est pas nécessairement apprécié. C'est pas intelligent. Il y a des pays qui ont fait de l'aide humanitaire pendant de nombreuses années en donnant des vivres aux gens en Haïti puis en les prenant à pitié. Sauf que le problème, c'est que ça fait plusieurs décennies que le pays est dans un état lamentable avec des problèmes de corruption. Puis... il n'y a pas de nécessairement de changement. À un moment donné, j'avais discuté avec une personne qui m'avait dit « Ben, le Japon a été confronté à un tremblement de terre et je suis persuadé que les Japonais, à différence des gens en Haïti qui ont été confrontés aussi à un tremblement de terre, vont se relever plus rapidement parce que dans la mentalité des Japonais, c'est un peuple avec des gens qui, en général, sont très organisés, structurés. » Ils laisseront pas des trucs traîner là, éternellement. Là. Ils vont se ramasser, ils vont refaire des bâtiments, etc. Donc, il y a une volonté collective, mais il y a une volonté individuelle. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect individuel que collectif, parce que faire un changement au niveau collectif, ça prend du temps. Puis avec le temps, ben, ça m'intéresse pas de changer tant que ça les autres. Puis pour ce qui est des changements, je dois être honnête avec vous, j'aime apporter des changements dans ma vie, mais quand ça vient de moi plutôt que des autres. Fait que là, ça a ses limites aussi, parce que là, j'aime initier des changements dans ma vie, mais plutôt que me faire imposer par les autres. J'ai un côté conservateur aussi, fait que je peux comprendre que les gens qui sont réticents à apporter des changements, même si c'est une perspective extérieure, on peut avoir l'impression que c'est mieux pour eux. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours plus une ligne du vivre puis du laisser vivre. Et puis, dans le fond... Je vais essayer de conclure parce que je parle beaucoup depuis tantôt. J'ai l'impression tout le temps de tourner autour du pot. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Se libérer du rôle du sauveur puis de se défaire de sa spiritualité, ça se fait tout seul au fil du temps en faisant des observations honnêtes puis de réaliser que ça ne sert à rien de dépenser puis de gaspiller inutilement son énergie par rapport à des gens de l'environnement s'ils ne veulent pas nécessairement changer sincèrement puis ça ne devient pas d'eux. Quelqu'un peut accompagner un mouvement qui vient d'une autre personne, mais quelqu'un qui cherche à initier un mouvement dans la vie d'une autre personne, si la personne n'est pas prête, l'autre peut l'écouter poliment, mais elle ne fera rien. Il faut que ça vienne de la personne concernée. Il faut que ça vienne d'elle. Mais c'est correct. C'est comme ça. Des fois, dans mon ego, je trouve ça difficile parce que je m'intéresse à des choses très pointues qui intéressent peu ou pas les gens de mon environnement. Mais une chance qu'aujourd'hui, sur Facebook, tu as des forums spécialisés. Il y en a plusieurs, notamment dans le domaine de la finance, qui vont entrer à la crypto. Puis là, je fais des découvertes. Là, je peux échanger avec des gens là. Mais sinon, si, par exemple, Puis avec le temps, ben, j'apprends certaines choses que, tu sais, si, admettons, j'aborde le sujet de la crypto avec quelqu'un, puis je vois que la personne nourrit pas la conversation, ça sert à rien d'en parler plus parce que ça ne l'intéresse pas, même si je le fais avec passion. Faut que je l'accepte. Fait que je parle d'un autre sujet. À un moment donné, j'ai étudié à fond l'instruction supramentale, fait que je parlais tout le temps de ça. Puis là, je peux comprendre que s'il y a des gens qui vont trouver fatigant d'aborder certains concepts à répétition. Là, je suis pris dans l'étude intensive de la crypto-monnaie. Mais peut-être à un moment donné, je vais saturer puis passer à d'autres choses, là. Je vais voir, parce que là, je suis encore en période de découverte. Il y a sans doute un point de plafonnement qui va m'amener ailleurs. Peut-être à un moment donné, ça sera le jardinage. Je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que chaque chose en son temps. Puis que dans certains cas, il y a des gens que c'est mieux de ne pas les aider pour ne pas gaspiller son énergie inutilement. Puis si on empêche quelqu'un d'atteindre son seuil de souffrance qui l'amène au changement en le surprotégeant, il n'apprend pas par lui-même. Puis ça le rend dépendant de nous autres, ce qui n'est pas intelligent. Dans le sens que si, par exemple, tu as des parents qui compensent sur le plan financier par rapport à un enfant qui gère mal son argent, est-ce que l'enfant va avoir intérêt de se prendre en main financièrement puis mieux gérer son budget? La réponse, c'est non, parce que l'enfant va s'attendre que les parents vont compenser le manque à gagner sur le plan financier parce qu'ils l'ont déjà fait. Pourquoi que l'enfant ferait d'efforts pour apporter un changement dans sa gestion financière si des parents sont là pour compenser? Souvent, les gens vont dans la voie de facilité. Pourquoi que des citoyens prendraient en main leur santé s'ils peuvent se fier au gouvernement pour avoir des soins de santé? C'est lorsque les gens réalisent que finalement le filet social est à la dérive et que les soins de santé sont moins de qualité aujourd'hui qu'ils l'étaient autrefois, que ce soit l'accès à un médecin de famille, à un spécialiste, à une opération, que là les gens vont dire, ben là, ça va être important de prendre avantage soin de ma santé, puis le bout que je ne suis pas capable de contrôler ou d'agir dessus, parce qu'il y a tout le temps des choses qui échappent à l'ego, bien là, ça peut être intéressant d'avoir un fonds d'urgence pour être capable par la suite de se payer des soins de santé décents ou privés. Donc, pour conserver sa santé. Tu sais, quelqu'un peut tout faire pour. Mais ça me faisait penser à une personne avec laquelle j'avais discuté. La personne a dit, ben c'est pas compliqué. Si la personne veut avoir une bonne santé par rapport aux dents, elle a juste qu'à se brosser les dents 3 fois par jour, elle n'a pas besoin d'assurance dentaire. Elle a juste à se brosser les dents avec constance, puis elle n'en aura pas de caries ou de traitement de canal. Sauf que même quelqu'un qui est bien intentionné, qui respecte les protocoles d'usage, puis elle se respecte, elle se brosse à tous les jours 3 fois. Par jour, les dents, elle se passe à soie dentaire, ça se peut qu'elle ait une carie, puis cette personne-là, il disait que ça ne vaut pas la peine pour payer pour une assurance dentaire parce que, dans le fond, quelqu'un qui a juste à se prendre en main comme il faut par rapport aux dents, elle n'aura pas de problème. Ben, c'est pas vrai à 100%. La personne a eu affaire avec un dentiste. Fait que ça a ses limites. Les comportements, tu sais, quelqu'un peut dire, ben, tu as juste à faire du sport, à bien t'alimenter, pas fumer, pas boire d'alcool en excès, puis tu vas être correct pour être en santé le reste de ta vie. Mais il y a tout le temps d'autres variables impondérables. Fait que c'est pour ça que d'être capable d'avoir accès à des ressources de santé ou avoir la marge de manœuvre financière, mais pas avoir de la finance qui ne se dévalue pas, bien idéalement, il faut investir. Fait que là, il faut savoir dans quoi investir, quand investir. Fait que là, ça devient intéressant de s'intéresser à la finance pour des raisons pratiques. Sinon, ce que je veux dire, c'est que la déspiritualisation que je vis au fil du temps m'amène à être plus pragmatique qu'avant, à changer ma perspective sur ma vie, mes proches, puis le monde, là. Donc, puis c'est pas mauvais, je perds moins d'énergie. Fait que là, ce que je vous parle, c'est un petit peu ce que j'intègre au fil du temps. Je sais qu'il y a beaucoup de répétitions, mais des fois, c'est comment dire, en revenant sur certains sujets encore une fois, puis encore une fois, qu'on l'intègre plus en profondeur. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.